Vacarme, c'est fini pour aujourd'hui, mais restez avec nous. Tout de suite, c'est Histoire vivante sur la Première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. La voie du samouraï se trouve dans la mort. On doit se livrer chaque jour à la méditation sur une mort inévitable. Chaque jour, quand le corps et l'esprit sont en paix, on doit méditer sur l'idée d'être déchiré par des flèches, des fusils, des lances et des épées. Cette semaine, du document au documentaire. Même si un samouraï doit se retrouver brusquement la tête tranchée, il doit être capable d'accomplir encore une action avec assurance. Affiches, passeports, livres et autres supports. Faire des Japonais une nation de samouraïs, c'est totalement ridicule, ça ne correspond à rien de la réalité. La guerre ou la paix. Mais c'est là-dessus qu'ils ont insisté au début du XXe siècle quand il s'agissait de construire une nation conquérante, colonisatrice, dynamique. Ils ont fait appel à cette vision du samouraï qui, lui, doit se battre jusqu'au bout, ce qu'il n'a jamais fait dans la réalité en plus. Pierre-François Souiri, les guerriers samouraïs et leur idéologie Bushido, c'est un article que vous avez proposé dans le catalogue Guerre et Paix. Nous nous intéressons cette semaine à la remarquable exposition à laquelle j'invite tous les auditeurs d'Histoire vivante et leurs nombreuses familles, à la Fondation Bonne Mère à Genève. Si vous voulez contempler, admirer des documents, des pièces absolument uniques au monde, notamment une formidable page signée par un certain Léon Tolstoï lui-même, puisque la Russie a très généreusement prêté des extraits de Guerre et Paix, eh bien c'est le moment de vous rendre à cette exposition. La paix, la guerre principalement, sous toutes ses formes, sous toutes ses époques, on peut dire également sous toutes ses latitudes, et bien évidemment avec Pierre-François Souiri, il ne saurait être question d'autre chose que du Japon dont il est grand spécialiste. Je vais me permettre, Pierre-François Souiri, de lire les premières lignes de cet article que vous avez signé. Des romans populaires aux films hollywoodiens, en passant par les arts martiaux et la bande dessinée, l'univers des samouraïs japonais fascine l'imaginaire de nos sociétés contemporaines. Le Bushido, entendez par là la voix du guerrier, est un de ces concepts qui nous donnerait à comprendre la nature profonde de ces guerriers d'autrefois. Mais le Bushido n'est pas qu'un mot inoffensif à destination exotique. Mais qu'est-ce alors ? Le Bushido, c'est une idéologie donc de la classe guerrière. Le terme a été créé, à vrai dire, au cours du XVIe siècle, pendant les dernières grandes guerres seigneuriales qui ont détruit en grande partie le pays à cette époque-là. C'est donc l'idéologie du samouraï, en quelque sorte. Ça a été comparé, à tort peut-être d'ailleurs, au code de chevalerie d'autrefois. Mais c'est un concept qui avait, à vrai dire, à peu près disparu à la fin du XIXe siècle, quand le Japon s'est engagé dans la voie de la modernisation, et qui est réapparu au début du XXe, lorsque le Japon est entré en conflit avec notamment la Russie d'abord, puis ensuite les guerres coloniales sur le continent, où là le concept a été réutilisé à des fins idéologiques très claires, pour en quelque sorte laisser croire que l'ensemble de la société japonaise était une société de samouraïs, ce qui évidemment correspond absolument à rien de sérieux. Et le Bushido a donc été une sorte de garantie idéologique à un certain nombre de mouvements militaristes et nationalistes d'extrême droite qui, comme vous le savez, dans le cas du Japon, ont pris le pouvoir au cours des années 30 jusqu'à la défaite de 1945. Donc l'idéologie du Bushido, c'est à la fois une idéologie de samouraï au XVIe et au XVIIe siècle, mais c'est aussi une idéologie contemporaine. Concernant cette dernière, est-ce à comprendre que dans ce tissu de propagande, les Japonais eux-mêmes, ou une certaine partie de la population, admettaient totalement ce point de vue, sans être forcément embrigadés politiquement, mais avaient fini par mordre à l'hameçon? Oui, d'une certaine façon, on peut dire ça, les choses comme ça. Si vous voulez, lorsque les Japonais ont remporté leur première grande victoire militaire sur une nation occidentale, à savoir la Russie en 1905, Ils se sont évidemment posé la question de savoir pourquoi ils avaient gagné. Alors ils auraient pu expliquer que c'est parce qu'ils avaient de meilleurs canons, de meilleurs bateaux, qu'ils avaient une logistique... Une très mauvaise armée russe en face de que l'armée russe n'était pas si forte qu'on le pensait, que, etc. Mais les idéologues de l'époque, et notamment ceux, disons, nationalistes, ont fait valoir... dans un double discours d'ailleurs, à la fois vis-à-vis de l'Occident et vis-à-vis de la Chine, que le Japon était différent justement de la Chine, parce qu'au Japon il y avait eu des samouraïs, c'était des guerriers, c'est-à-dire l'équivalent des chevaliers occidentaux. Pour le dire encore autrement, il y avait une féodalité au Japon, ce qui n'était pas le cas de la société chinoise, et que du coup, la réussite japonaise au niveau de l'industrialisation ou au niveau des victoires militaires était liée à cette classe de guerriers japonais que le régime s'était quand même évertué à détruire dans les années précédentes. C'est toujours drôle l'histoire d'une certaine façon, surtout l'histoire de l'idéologie. Et donc on a commencé à expliquer que les victoires japonaises, c'était parce que les Japonais avaient un esprit particulier que les Russes ou les autres n'avaient pas. Les Chinois en particulier n'avaient pas, et encore moins les Coréens. Donc les Japonais avaient quelque chose de plus, cette espèce de ce qu'on dit là-bas, le Yamato Damashi, l'esprit japonais, qui est fondé essentiellement sur ces valeurs retrouvées à cette époque-là, du Bushido tel qu'il avait été constitué au cours des guerres civiles du XVIe siècle. Donc on insistait sur la capacité des guerriers à l'endurance, à la volonté, l'abnégation, le courage... toute vertu qui était évidemment aussi celle, en principe, du bon soldat. Et donc, l'ensemble des Japonais, les conscrits, ceux qui avaient été mobilisés dans le conflit, se sont vus parer par l'idéologie, en quelque sorte, d'un comportement qui devait être exemplaire à l'image des samouraïs d'autrefois. Et s'ils avaient gagné la guerre, c'était pas parce qu'ils s'étaient bien battus, c'était parce qu'ils étaient comme les samouraïs d'autrefois. Or, on sait que, un, les samouraïs ne représentaient qu'à peu près 5% de l'ensemble du corps social, deux, qu'ils étaient détestés, et en même temps, on en avait très peur. De l'ensemble plus craint que détesté, peut-être. Craint et détesté en même temps, ouais. Au cours des 17e, 18e et même 19e siècle. Et que donc, si vous voulez, faire des Japonais une nation de samouraïs, c'est totalement ridicule, ça ne correspond à rien de la réalité. Mais c'est là-dessus qu'ils ont insisté au début du XXe siècle, quand il s'agissait de construire une nation conquérante, colonisatrice, dynamique. Et donc, ils ont fait appel à ces valeurs-là. Alors, ça se retrouve évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale, où, par exemple, on oblige les soldats à se battre jusqu'à jamais se rendre et à se battre jusqu'au bout, au nom d'une vision du samouraï qui, lui, doit se battre jusqu'au bout, ce qu'il n'a jamais fait dans la réalité, en plus. Les samouraïs d'autrefois, parfois, se battaient jusqu'au bout quand ils étaient acculés, c'est sûr, mais souvent changeaient de camp en pleine bataille, quand ils sentaient que leur intérêt, c'était d'aller du côté du vainqueur. Comme donc de purs mercenaires. Mais exactement. Je veux dire, la grande bataille finale de 1600, la bataille de Sekigahara, qui oppose les Tokugawa d'un côté, qui vont donc devenir les vainqueurs et les fondateurs du régime shogunal, et leurs ennemis, est gagnée par les guerriers du futur shogun, parce que le bon tiers de l'armée adverse a changé de camp pendant la nuit. Donc, la fidélité du samouraï, on pourra quand même réfléchir un petit peu de près. Je pense d'ailleurs que c'est drôle, parce que le Bushido insiste d'autant plus sur la fidélité du samouraï qu'ils n'étaient jamais fidèles en réalité. Pierre-François Souris, expliquez-nous pourquoi... dans vos lignes, on arrive à voir que le Bushido a été rejeté par les élites samouraïs. Alors, que c'est un objet d'usurpation? Non, si vous voulez, depuis l'origine de la classe guerrière elle-même, c'est-à-dire si on remonte au tout début du Moyen-Âge, aux alentours du 9e, du 10e et du 11e siècle, apparaissent dans les campagnes des notables qui se militarisent et qu'on finit par appeler les guerriers, les samouraïs. Bon, ces gens-là développent un certain nombre de vertus qui sont très différentes de celles de l'aristocratie de cour. En particulier des vertus de combattants, de guerriers. Donc, ils s'entraînent à l'équitation, bien sûr, à la chasse, ils tirent à l'arc, ils combattent au sabre éventuellement. Ce que ne font pas les aristocrates qui, eux, sont considérés comme étant empêtrés dans leurs rituels et puis surtout s'intéressant essentiellement à la poésie et aux femmes. Donc, il y a une sorte de nouvelle idéologie qui se crée à ce moment-là et... cette idéologie se cristallise au XVIe siècle sous le terme de Bushido, qui n'existait pas jusqu'alors, la voie du guerrier. Or, à partir du début du XVIIe, avec la mise en place du nouveau régime des shoguns Tokugawa, le pays recouvre la paix, une situation de paix. Et cette paix va durer 250 ans, ce qui n'est pas rien. Donc pendant 2 siècles et demi, le Japon va connaître la paix civile. Ces guerriers sont dans une situation où ils n'ont pas d'avenir, si vous voulez, en tant que guerriers, puisque il n'y a plus d'armée combattante. Donc, ils peuvent évidemment servir, le cas échéant, des tâches de police, mais enfin, c'est pas l'essentiel. Donc, on transforme les guerriers en une sorte de bureaucratie qui est chargée d'administrer les biens seigneuriaux. Donc, les samouraïs deviennent administrateurs, spécialistes des questions fiscales, percepteurs d'impôts, et puis éventuellement, ils entrent dans des professions de type intellectuel, entre guillemets, c'est-à-dire professeurs, médecins, etc. Donc, si vous voulez, il y a un changement profond dans la nature même de la classe des samouraïs, mais ils gardent quand même, dans leur manière de vivre, cette sorte de nostalgie de l'époque où leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents se battaient et faisaient preuve de prouesse, de courage sur les champs de bataille. Donc, il y a toujours, dans les familles de samouraïs, cet endroit de la maison où on installe un sabre, ou si on est un peu plus aisé, l'armure de parade de son ancêtre. Mais ces armures de parade ne sont plus utilisées et les sabres ne sont là que pour montrer en quelque sorte le statut social du bonhomme. Dans le Japon d'Edo, les samouraïs se baladaient dans les rues avec 2 sabres, un long et un court. Ces sabres étaient en principe ce qui les distinguait du reste de la population roturière. Et avec ces sabres, normalement, enfin officiellement en tout cas, ils pouvaient couper en deux n'importe lequel des manants qui leur auraient manqué de respect. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué, même si le cas a pu se produire. D'une façon générale, d'abord, leur sabre était attaché par une ficelle, une sorte de corde qui les empêchait d'enlever d'enlever le sabre du fourreau sur un coup de tête, en quelque sorte, parce qu'il fallait quand même prendre le temps d'enlever ce petit nœud de chaussure. Au moment de l'hiver, c'est absolument impossible. Voilà, donc c'était une manière de freiner, en quelque sorte, une forme de colère qui aurait... Différer l'information instinctive. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis par ailleurs, l'histoire nous montre que quand un samouraï coupe en deux un type dans la rue, il lui arrive quand même des ennuis avec la justice. C'est-à-dire que c'est pas si simple. Il y a quand même une enquête, etc. Bon, alors... Ces nouvelles pratiques font qu'en fait, les samouraïs sont de moins en moins des guerriers, mais de plus en plus des fonctionnaires, des bureaucrates, des administrateurs, des médecins, et que finalement, la guerre ne joue plus un rôle important dans la société des Tokugawa. Donc, on est entre 17e et 19e. Hein. Et donc, d'une certaine façon, il y a une forme de... La société se civilise ou se police, et le Bushido correspond plus du tout à l'idéologie qui fonctionnait au XVIe siècle et qui va fonctionner à nouveau au début du XXe. Et là, on insiste au contraire sur des pratiques de civilité, de règles, de rituels, ce qui fait qu'on dompte en quelque sorte cette classe de samouraïs. Donc du coup, le Bushido devient un petit peu désuet. C'est un petit peu des nostalgiques. Des gens qui sont... ceux qui insistent sur le Bushido encore au XVIIIe siècle sont considérés un petit peu comme des gens un peu bizarres quand même, faut bien dire les choses. Ils sont plus dans le vent. Juste des éléments de contexte politique, Pierre-François Souéry, comment on arrive à une période qu'on souhaiterait aujourd'hui à tous, de 250 ans de paix, d'absence de conflit? On a réussi de part et d'autre dans l'île à trouver des accords systématiquement entre régions, entre dirigeants. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ben, c'est-à-dire qu'il y a eu, pour dire les choses simplement, le Moyen-Âge, c'est-à-dire les 4 siècles qui précèdent le 17e, sont en gros des siècles de guerre civile seigneuriale quasi permanente. Alors, il y a des grandes périodes de trêve, mais enfin, la guerre est quand même incessante. Et donc, les samouraïs sont des vrais guerriers à cette époque-là. Et puis, à partir du 16e siècle, on a, des daimyos, ce qu'on appelle les daimyos, c'est-à-dire des très gros seigneurs, très puissants, qui sont des petits rois, en fait, des princes sur leur terre, qui se font la guerre les uns les autres, et puis qui finissent par se faire absorber les uns les autres, jusqu'au moment où il n'en reste plus que 2. Donc, Tokugawa Ieyasu d'un côté, et puis Ishida Yoshinobu. Ces 2 coalitions qu'en fait, qui s'affrontent à la fin, il y en a une qui est vaincue, et celle qui est victorieuse s'impose en quelque sorte. Hein. Donc, c'est celle qui va déboucher sur la création de ce qu'on appelle le shogunat, donc une sorte de monarchie féodale, de monarchie guerrière, qui se met en place à côté donc, de l'ancien système impérial qui perdure. Alors pourquoi est-ce que la paix revient? D'abord parce qu'il y a une sorte de fatigue générale de la société face à une instabilité permanente, notamment de la classe dirigeante. Il y a une expression qui est très connue au Japon pour désigner cette période-là. Les chroniqueurs de l'époque parlaient de monde à l'envers, c'est-à-dire que à chaque fois que quelqu'un cherche à s'imposer, eh bien un autre arrive et le déstabilise et prend le pouvoir à sa place jusqu'à ce qu'à nouveau il soit à son tour déstabilisé et perde le pouvoir. Donc il y a des luttes de clans qui sont terribles, il y a des luttes pour l'héritage. clivages, il y a des luttes entre clans, bien entendu aussi, ce qui fait qu'il y a une sorte d'épuisement, quelque sorte, de la société. Et puis l'autre aspect des choses, c'est que cette société, sur la fin du Moyen-Âge en tout cas, est aussi le fruit de ce qu'on pourrait appeler franchement des luttes de classe, avec des révoltes paysannes en pagaille, des ligues religieuses qui s'organisent et qui cherchent à contester le pouvoir au seigneur sur certaines régions. Donc il y a une anarchie politique qui est vraiment très très très grande. Et le génie, en quelque sorte, de ceux qui ont réussi à réunifier le pays, c'est d'avoir cristallisé les statuts sociaux. C'est-à-dire qu'il y avait une forte mobilité sociale dans les deux sens d'ailleurs. Les grandes lignées seigneuriales s'effondrent, et puis de nouvelles lignées montent. Et puis dans la paysannerie ou dans les couches urbaines, c'est un petit peu la même chose. Il y a des dynasties de marchands qui s'écroulent, et puis d'autres qui surgissent, etc. Et donc on fige en quelque sorte la société. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont fermé le pays aux étrangers aussi, pour pas justement déstabiliser le système. Ils percevaient d'une certaine façon la montée du catholicisme comme étant un danger pour justement cette stabilité nouvelle qui était voulue. Et donc, cette stabilité n'aurait pas fonctionné en tant que telle si elle n'avait pas été accompagnée d'un mouvement d'expansion économique extraordinaire et démographique extraordinaire. C'est-à-dire le Japon du XVIIe siècle est une société en pleine expansion, avec des taux de croissance qu'on ne peut pas mesurer parce qu'il n'y a pas d'appareil statistique, mais qui devaient être de l'ordre de ceux qu'on connaît aujourd'hui en Chine, c'est-à-dire entre 6 et 10% probablement. La société en 1600 est une société encore rurale, féodale. La société en 1700, un siècle plus tard, c'est des grandes villes. Edo fait 1 million d'habitants, Osaka en a 400 000. Il y a des marchands, il y a toute une société urbaine qui est en train de naître et qui est le fruit de l'enrichissement général du pays, lié au défrichement, lié aussi au rétablissement de la paix, bien entendu. Ce qui fait que tout le monde profite de cette nouvelle situation, jusqu'à ce que la situation se dégrade à nouveau au 19e. Pierre-François Souris, vous m'avez mis l'eau à la bouche en faisant référence dans votre article « Les guerriers samouraïs et leur idéologie Bushido » à Hagakure. Hagakure. Ce qui veut dire... Peut traduire par « caché entre les feuilles » ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est, ça, cet ouvrage? Alors, c'est un ouvrage assez curieux d'un samouraï du fief de Saga, qui date des années 1710-1715. Donc c'est un samouraï qui fait partie de ces nostalgiques dont je parlais tout à l'heure et qui rédige un ouvrage de réflexion sur le Bushido à l'époque où le Bushido est de moins en moins utilisé comme concept. C'est dans le creux de la vague. Et lui, il explique au contraire, j'ai compris, dit-il, c'est une des premières phrases du texte, j'ai compris que être un samouraï, c'était apprendre à mourir. Et c'est un texte qu'il envoie à son seigneur pour lui montrer à quel point il lui est fidèle. Il est un fidèle serviteur de son seigneur, au point qu'il est prêt à mourir pour lui. Alors il faut savoir que 50 ans plus tôt, dans les années 1640-1650, se développe au Japon une mode, il n'y a pas d'autre mot, qui consiste à s'ouvrir le ventre quand son seigneur meurt, pour mourir avec lui et l'accompagner dans l'au-delà. Au début, c'est 1, 2, 3 cas, puis ça se développe, et les autorités shogunales prennent peur, en quelque sorte, et interdisent systématiquement la pratique. C'est-à-dire que non seulement elles l'interdisent, mais elles font respecter l'interdiction. C'est-à-dire que ceux qui pratiquent ce genre de choses, leurs familles perdent leur statut de samouraï. Les seigneurs eux-mêmes qui laissent ce type de pratique se développer chez eux perdent leur fief. Enfin bon, il y a toute une série de modalités répressives qui font que la pratique disparaît. Mais il y a chez certains, comme notre auteur, là, il y a une sorte de nostalgie pour une idéologie de respect, de fidélité, d'amour, dans tous les sens du terme d'ailleurs, pour son seigneur. C'est-à-dire qu'il crée aussi une relation quasi-homosexuelle avec leur seigneur. D'ailleurs, il y a à l'intérieur de Hagakure toute une série de remarques qui montrent qu'il regrette le temps où les jeunes garçons servaient leur seigneur. Et on sait que à cette époque-là, au XVIIe siècle, les pratiques homosexuelles entre le seigneur et les jeunes pages autour de lui étaient parfaitement répandues, un petit peu comme dans la Grèce ancienne. Donc il regrette un peu cette période et il écrit cet ouvrage. Et le Seigneur, quand il reçoit l'ouvrage, il le lit, il est épouvanté en disant « ce type est dingue ». Donc, il interdit la publication de l'ouvrage. L'ouvrage est déposé dans les greniers de je ne sais quel château, jusqu'à ce qu'il soit redécouvert au lendemain de la guerre russo-japonaise, donc dans les années 1906. Et donc, cet ouvrage est redécouvert à un moment où, justement, l'idéologie samouraï dont je parlais tout à l'heure revient à la mode, en quelque sorte. Et cet ouvrage va devenir, entendez bien, le livre de chevet des officiers pendant la Seconde Guerre mondiale. Il sera censuré et interdit par les Américains en 1945. Redécouvert, alors après la censure a été levée, redécouvert au cours des années 60-70. Par exemple, dans le film de Jim Jarmusch qui s'appelle Ghost Dog, le héros de Ghost Dog, qui est donc cet acteur noir qui joue le rôle d'un tueur à gages, ne jure et ne lit que cet ouvrage-là. Ce qui est assez drôle, parce que c'est un ouvrage qui a été interdit par les Américains, justement, 40 ans plus tôt. Et dans le film, si ma mémoire est bonne, il tend à vouloir protéger un mafieux qui, jadis, lui aurait sauvé la vie dans un mauvais moment, et il lui est entièrement... Voilà, c'est ça. Et donc, il s'appuie sur cette idéologie du samouraï du XVIe siècle pour justifier sa pratique dans l'Amérique de l'an 2000. Vous, ça vous fait bidonner. Moi, ça me fait rire, oui, parce qu'on est dans des séries de réinterprétations, si vous voulez, de contresens aussi, il faut bien le dire, qui sont tout à fait à la fois terrifiantes et drôles. S'il fallait définir en un mot ce qu'est la condition de samouraï, elle se fonde avant tout sur le dévouement, corps et âme, à son maître. Ne pas oublier son maître, c'est la chose la plus fondamentale pour un vassal. Merde, je savais que ce serait toi. Tu vas me tuer ? Tu peux aussi bien me tuer ? Je suis ton vassal. J'obéis à un code. Je t'ai toujours témoigné mon respect. Et c'est pour ça que tu braques ce flingue à la con sur ma tête ? Pardonne-moi. Je veux pas te manquer de respect. Je vais te dire, il me semble que tout change autour de nous, hein, Louis. Ça, tu peux le dire. Quand t'as buté le mec l'autre nuit, il y avait une fille avec lui. J'avais pas ordre d'éliminer une fille. Ouais, je sais. Ce qu'il y a, c'est que... tout est devenu plus compliqué maintenant. Ils vont te descendre, Ghost Dog. Et s'ils te trouvent pas, alors c'est moi qui vont descendre. Ray Vargo ? Ouais, toute la putain de famille après toi. Mais comment ça se fait que t'en sais aussi long sur notre organisation ? Qui était la fille, Louis ? C'est... laisse tomber la fille. J'ai pas le droit de parler d'elle. Ce que je veux juste que tu saches, c'est qu'ils vont te tuer. Et peut-être moi aussi. Mieux vaut moi que toi, Louis. Bah... au point où on en est, je vais pas dire le contraire. Hé, Louis ! Pardon, je suis en retard. Et crois-moi, je suis vraiment désolé. Tu sais que... nom de Dieu. Tu as tué Morini. Merde, c'est le beau-frère de Valerio. Il était armé, il allait te descendre. Oh. Ben là, tu ferais vraiment mieux de me tuer. Parce que je vois pas comment j'expliquerais ça. Ok, descends-moi. Vas-y, perds pas de temps. Je suis ton vassal. C'est contraire au code du samouraï de te tuer. Écoute, si t'es vraiment mon vassal... quoi que ça puisse vouloir dire, alors obéis-moi et flingue-moi. Ah ah ah ah ah, pourquoi t'as fait ça ? Tu me l'as demandé. Ah. Ah. Je veux pas te manquer de respect. Ah. Et comme ça, t'as une excuse, tu diras que je vous ai attaqués tous les deux. Ah. Quand Kurosawa fait son célèbre et fameux mythique film sur les samouraïs, quelle figure du samouraï prend-il? Est-ce qu'il est lui aussi en train de récupérer et de déformer complètement la légende, de l'utiliser, de la grossir? Ou déjà, puisqu'il apparaît, je crois que le film doit dater des années 50-60. Tout début des années 50. Oui. Ouais. Oui, alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce film. Bon, d'abord, c'est un film remarquable, passionnant. Moi, c'est, pour le dire franchement, je crois que c'est l'un des films que j'ai vu quand j'avais 12 ou 13 ans et qui m'ont absolument fasciné et qui ont peut-être même déterminé mon souhait d'en savoir plus sur l'histoire du Japon. Donc, pour moi, c'est un film culte, ce film-là. Mais ça tient pas la route une seconde sur le plan historique. C'est tout à fait curieux. Bon, des paysans sont victimes d'une bande de brigands qui viennent régulièrement prélever les récoltes à l'automne. Donc ils savent qu'ils vont revenir et donc ils vont en ville, ils cherchent des samouraïs pour les aider à défendre leur village. Bon, déjà, il faut savoir que les paysans au XVIe siècle, puisque c'est censé se passer au XVIe siècle, les paysans sont armés, ils n'ont pas besoin des samouraïs pour défendre leur village. Il y a une conflictualité sociale telle que il existe dans les villages, non pas des milices, mais les paysans eux-mêmes savent se servir des armes, ou en tout cas peuvent en partie créer des structures qui leur permettent de s'autodéfendre, en quelque sorte. L'autodéfense, c'est quelque chose qui était assez répandu à cette époque-là. Ça, c'est le premier point. Ensuite, les samouraïs, c'est pas des gens qu'on va recruter dans la rue comme ça. C'est des gens qui sont des guerriers, des vassaux d'un seigneur, et qui, à la rigueur, accepteraient que le seigneur leur donne l'ordre d'aller défendre les paysans si c'est des paysans du fief du seigneur en question, mais jamais, jamais il ne leur viendrait l'idée, par altruisme en quelque sorte, de venir défendre ces pauvres paysans. Mais en fait, on est dans une sorte de parabole de la situation du Japon d'après-guerre, c'est-à-dire que finalement, si on se souvient des dernières scènes des sept samouraïs, on voit les paysans qui repiquent le riz et travaillent dans les champs en chantant, ils sont heureux parce qu'ils se sont débarrassés des brigands grâce aux samouraïs. Et l'un des samouraïs qui ont survécu, parce que la moitié des sept au moins ont été tués, l'un des deux dit les vrais vainqueurs c'est eux, parce que c'est l'avenir, ils vont pouvoir cultiver et nourrir la population, nous qu'est-ce qu'on fait là, finalement on n'a plus de sens. Et c'est d'une certaine façon une parabole des militaires japonais qui sont désœuvrés au lendemain de la guerre. L'armée a été dissoute par les Américains, il n'y a plus de sens à tout ça. Et donc, l'avenir, c'est la reconstruction du pays. Pierre-François Souiri, en deux mots, puisqu'on va être appelé à se revoir à la prochaine parution de votre ouvrage dont vous m'avez parlé avant que nous n'ouvrions ce micro. Alors mettez donc l'eau un peu à la bouche de vos futurs lecteurs. De quoi est-ce qui va être question? De quoi est-ce qui va être question? Ça me paraît un peu... Je suis en train d'écrire avec un ami qui s'appelle Philippe Ponce, qui fut lui-même correspondant du journal Le Monde au Japon, un ouvrage sur l'érotisme dans le Japon ancien et moderne. Donc c'est un ouvrage qui porte essentiellement sur l'époque d'Edo, donc qui va du 17e jusqu'aux années 1900, d'après-guerre, jusqu'aux années 1950. Donc rendez-vous à bientôt. Je rappelle le titre de votre article dont on a parlé aujourd'hui, Les guerriers samouraïs et leur idéologie Bushido. Si vous voulez le lire, eh bien je vous invite, lors de votre visite, ce que vous ne manquerez pas de faire à la Fondation Bonnemère, à acheter le magnifique catalogue édité par Gallimard, qui s'y trouve présent. Voilà. À très bientôt, Pierre-François Souiri, et merci. Merci de votre invitation.